نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بإذن الله، ce soir, nous allons commencer par une introduction qui va tourner autour de plusieurs thèmes. Plus exactement, elle tournera autour de quatre thèmes. Le premier thème sera concernant l'importance de l'isnad dans notre religion. Donc, l'isnad, c'est-à-dire la chaîne de transmission. Ensuite, le deuxième thème, ce sera concernant le fait que la science, elle se prend de la bouche des savants. La science se prend de la bouche des savants. Le troisième thème sera, Inch'Allah, Al-Hanif Al-Musalsal Bil-Awwaliyya. Donc, le troisième thème, ce sera le hadith qui est connu sous le nom de le hadith Al-Musalsal Bil-Awwaliyya, c'est-à-dire le hadith que les enseignants enseignent en premier à leurs élèves. C'est la tradition des enseignants, c'est de commencer leur enseignement à leurs élèves par ce hadith. Et ensuite, le quatrième thème, ce sera sur l'obligation de talab al-ilm. L'obligation de talab al-ilm, ou bien plutôt ce qui est obligatoire en ce qui concerne talab al-ilm pour chaque musulman ou pour chaque musulmane. En ce qui concerne l'isnad, la chaîne de transmission, comme on l'avait déjà évoqué à d'autres reprises, c'est une des spécificités de notre religion. Et concernant l'isnad, la chaîne de transmission, les prédécesseurs ont rapporté énormément de paroles, nous spécifiant à quel point le sanad, la chaîne de transmission, est quelque chose de primordial en ce qui concerne la religion islamique. Parmi les paroles qui nous sont parvenues des salafs, la parole que Abdan rapporte en disant « Sami'tu Abdullah ibn Mubarak yaqul Sami'tu Abdullah ibn Mubarak yaqul al-isnadu 'indi min ad-din » ولولا الإسناد لقال من شاء مشاء، ولكن إذا قيل له من حدثك بقي. قال أبدان ذكر أي عبد الله بن مبارك هذا عند ذكر الزنادقة وما يضعون من الأحاديث. Donc Abdan dit, j'ai entendu عبد الله بن مبارك dire, pour moi, chez moi, la chaîne de transmission fait partie de la religion. Et s'il n'y aurait pas la chaîne de transmission, alors n'importe qui aurait pu dire concernant la religion ce qu'il souhaite. Mais plutôt, si on lui pose la question en lui disant « Qui t'a rapporté ceci ?» il restera consterné. Et Abdan a commenté en disant donc que Abdullah ibn Mubarak avait mentionné cette parole lorsqu'on lui avait mentionné « Al-Zanadiqa » qui étaient ceux qui inventaient des hadiths, concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que ces personnes-là, si on leur demande même Haddefek, qui est-ce qui t'a rapporté cela, d'où tu tiens cela, et seront incapables de citer une chaîne de transmission authentique remontant jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam Malik rahimahullah ta'ala, concernant le tafsir de la parole d'Allah azza wa jal, وَإِنَّهِ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ قَالَ الْإِمَامُ مَالِكُ رَحِمَهُ اللَّهُ هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي. Donc concernant cette parole, et certes la parole d'Allah Azza wa Jalla dans le sens en langue française signifie, et certes il s'agit d'un rappel pour toi et ton peuple, l'imam Malik a commenté ce verset en disant, c'est la parole de la personne lorsqu'il dit, mon père m'a rapporté d'après mon grand-père, c'est-à-dire il vise la chaîne de transmission. De même, l'imam Abdullah ibn Mubarak encore avait dit, مثل الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقى السطح بلا سلوم. Donc Abdullah ibn Mubarak avait dit, l'exemple de celui qui souhaite demander des choses concernant sa religion sans chaîne de transmission, il est à l'exemple de celui qui essaye de monter sur la terrasse sans utiliser d'échelle. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى الإسناد سلاح المؤمن فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل. سفيان الثوري رحمه الله avait dit, la chaîne de transmission du croyant. Et s'il n'a pas avec lui d'armes, alors avec quelle chose va-t-il combattre? Et là ici donc le sens, c'est-à-dire le croyant sans chaîne de transmission, lorsqu'il va être face aux innovateurs, comment va-t-il faire pour les atteindre s'il n'a pas cette arme qui est la chaîne de transmission? Puisque les innovateurs, comme on avait vu dans la parole précédente de Abdullah ibn Mubarak, qui a dit si on leur demande même Haddefek, ils vont rester, ils seront consternés, ils ne pourront pas répondre puisqu'ils n'ont pas de chaîne. Le Sunni, la personne de Ahl Sunni al-Jama'a, lorsqu'il fait face à eux, ou même à n'importe qui parmi les gens, lorsqu'il rapporte quelque chose dans sa religion, il lui faut avoir cette arme qu'est la chaîne de transmission, car elle le dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien à As-Sahaba radiallahu anhu wa as-Salaf, rahimahumullah, afin que personne ne puisse rejeter ce qu'il apportera parmi les choses de la religion. Et d'autre part, toujours concernant l'isnad, on a la parole de Shu'ba, qui est également parmi les noms de hadith, Shu'ba ibn al-Hajjaj, et là il avait dit, « كل حديث ليس فيه حدثنا أو أخبرنا فهو خل وبقل وبقل. » Donc Shu'ba ibn al-Hajjaj, il avait dit, « tout hadith qui ne comporte pas la mention Haddathana m'a rapporté ou Akhbarana m'a informé, alors c'est quelque chose qui est nul, qui est vain, qui ne peut pas être utilisé. Wa qala al-Imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala, مثل الذي يطلب الحديث بلا إسناد كمثل حاطب الليل يحمل حزمة يحمل حزمة حطب وفيه أفعى وهو لا يدري. Donc l'imam Shafi'i rahimahullah dit, l'exemple de celui qui étudie le hadith, ou bien qui va écrire le hadith, c'est-à-dire qui recherche le savoir du hadith, qui recherche le hadith, c'est-à-dire qui étudie la science du hadith, mais sans chaîne de transmission, alors celui-là il a l'exemple de celui qui ramasse le bois la nuit. Il va ramasser un ensemble de brindilles de bois, et dedans il va y avoir une vipère, et lui il ne le sait pas. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله حدث الزهري يوما بحديث فقلت هاتي فيه بلا إسناد. فقال الزهري: أدرق السطح بلا سمين. لكن سفيان بن عيينة رحمه الله الإمام الزهري كي كان خامل مقد بصني لحديث في جغلة سفيان بن عيينة بخيك الإمام الزهري يبي سيتي الحديث il lui a dit, est-ce que tu peux le donner sans sa chaîne de transmission? Et lorsqu'il lui a dit cela, alors l'imam Zuhri lui a dit, est-ce que tu veux que je puisse monter sur la terrasse sans avoir d'échelle? Est-ce que tu veux que je monte sur la terrasse sans avoir d'échelle? Et donc il y a de nombreuses paroles qui vont dans ce sens, qui sont rapportés des salaires. Inch'Allah, on se contentera de cela, de ne pas se tarder. À la Kulihal, le but de ces paroles-là, c'est qu'on se rende tous compte de l'importance qui était accordée par le Sanad chez les pieux prédécesseurs, chez Salaf Salih. Le Sanad, la chaîne de transmission, qui est donc ce qui signifie un tel rapport d'un tel rapport d'un tel qui rapporte d'un tel, et en remontant jusqu'à donc celui qui a dit la parole, que ce soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou un sahabi radiallahu anhu, ou un tabi'i, ou un tabi'a tabi'i, etc., en remontant vers notre époque. Donc ça c'est concernant les paroles rapportées en ce qui concerne l'importance de Sanad. Et donc, à partir du moment qu'on a compris l'importance de prendre sa religion par le biais de la chaîne de transmission, une autre question se pose, c'est de qui doit-on prendre ce sanad? De qui doit-on prendre ce sanad? Ce sanad, de qui doit-on le prendre? On doit le prendre de la bouche des savants. La science, elle se prend de la bouche des savants, et c'est quelque chose sur quoi nous devons nous éduquer bi-idhnillah. Parce que nous sommes dans une époque de tentation, de tribulation, de fitane. Et tout le monde parle au nom de la religion, ce qui fait que la personne débutante, elle peut se retrouver déstabilisée en ne sachant de qui écouter. Et les salafs concernant cette mas'ala-là, concernant cette question, concernant ce sujet, ils se sont exprimés aussi. Et donc, je vais vous citer quelques paroles qui expliquent, ou plutôt qui démontrent, que chez les salafs, l'apprentissage de la recherche de la science, elle s'effectuait auprès de ceux qui sont aptes à la transmettre, c'est-à-dire les savants. Par exemple, un Suleyman ibn Moussa قال لا تقرأ القرآن على مصحفي على المصحفي على المصحفين ولا تأخذ العلم من الصحفيين. Donc Suleyman ibn Moussa رحمه الله il a dit ne lisez pas le Coran sur al musahfiyin al musahf Al-Musahifin, ça veut dire les personnes qui ont lu le Coran à partir du Mus'haf uniquement. C'est-à-dire les personnes qui n'ont pas étudié le Coran, qui n'ont pas étudié le Coran de la bouche d'un cheikh, qui ne l'ont pas pris. Ce sont juste des lecteurs à partir d'une copie du Coran. Ils ont pris le Coran en lisant directement sur les copies du Coran, sur le Mus'haf. Et ils n'ont pas été habilités à le transmettre. Et ensuite, il a dit, voilà, تَأْخُذُ الْعِلْمَ مِنَ الصَّحَفِيِّينَ. Et ne prenez pas la science de chez les lecteurs. On dit ici, الصَّحَفِيِّينَ, c'est ceux qui ont appris la science que dans les livres. Ceux qui ont appris la science que dans les livres. Donc là, on voit bien que السَّلَفْ رَضُوَ عَلْهُمْ ils insistaient sur le fait de ne pas prendre la science de ce qu'on pourrait appeler des autodidactes qui n'ont pris que dans les livres, qui n'ont pas appris directement chez les savants. Et toujours dans le même thème, il y a la parole de Saïd ibn Yazid, rahimahullah, qui a dit « La yuftin nasa as-sahafiyyoun »« La yuftin nasa as-sahafiyyoun » Donc, ne doit pas émettre d'avis juridique aux gens, mais ne doit pas délivrer de fatwa aux gens, un lecteur. C'est-à-dire, celui qui n'apprend que dans les livres ne doit pas répondre au sujet juridique des gens, ne doit pas émettre de fatwa pour les gens, il ne doit pas émettre d'avis religieux dans les questions qui sont posées. Et dans une autre variante qui est une parole de l'imam Abu Zur'a, il a dit لا يفتي الناس صحفي ولا يقربهم مصحفي. Donc l'imam Abu Zur'a, rahimahullah, il a dit donc ne doit pas émettre de fatwa pour les gens, ne doit pas délivrer de fatwa aux gens, un lecteur, quelqu'un qui apprend uniquement des livres, et il ne doit pas leur faire réciter le Coran, quelqu'un qui a appris uniquement à partir du Mus'haf. Et toujours dans ce même ordre de méthodologie, de principe chez les plus prédécesseurs, le fils de l'imam Ahmed, Abdullah ibn Ahmed ibn Hanbal, قال سألت أبي عن رجل عن الرجل تكون عنده كتب المصنفة فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلاف الصحابة والتابعين وليس للرجل بصر بالحديث الضعيف المتروك ولا بالإسناد القوي من الضعيف فيجوز له أن يعمل بما شاء ويتخير ما أحب منها يفتي به ويعمل به. قال لا يعمل حتى يسأل ما يؤخذ به منها فيكون يعمل على أمر صحيح يسأل عن ذلك أهل العلم. Donc, Abdullah ibn Ahmed ibn Hanbal, il a questionné mon père concernant la personne qui possède chez lui les livres Al-Qutub al-Musannafa, c'est-à-dire les livres qui ont été écrits, les livres qui ont été rapportés, c'est-à-dire en fait Al-Musannafa, c'était les livres rapportés par les savants, les livres écrits par les savants avec leur chaîne de transmission, qui concernent donc tous les hadiths et tous les affaires qu'ils ont rapporté dans les divers chapitres de l'Fiqh, ou dans les divers chapitres qui concernent aussi l'Iman, c'est-à-dire l'Iman chez les Salaf, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ilm al-Aqidah, et à l'époque ils l'appelaient l'Iman, comme on le verra inshallah dans le cours d'introduction à l'Aqidah. Et donc, il dit, la personne qui possède chez lui les livres écrits qui contiennent les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les divergences des compagnons et des suivants, et que cette personne-là n'a pas la clairvoyance pour distinguer le hadith faible et délaissé, ni la chaîne de transmission forte de la chaîne de transmission faible, est-ce qui lui est permis de pratiquer ce que bon lui semble de ces textes-là, en choisissant ce qui lui aura plu, et ce qu'il aura aimé dedans, et qu'il délivre des fatwas, à partir de ça, et qu'il mette en pratique cela. L'imam Ahmed, qu'est-ce qu'il a répondu à son fils suite à cette question? Il lui a répondu, il ne doit pas mettre en pratique jusqu'à ce qu'il questionne au sujet de ce qu'il aura voulu apprendre. Ainsi, il pourra pratiquer quelque chose d'authentique, quelque chose de correct. Et il doit questionner au sujet de cela les gens de science. Et ça, c'est un affaire qui est très important, puisque aujourd'hui, on pourrait retransposer cela en disant la personne qui possède chez lui le livre de fiqh, qui possède chez lui le livre de aqida, qui possède chez lui le livre de hadith, etc., etc. Est-ce qu'il peut utiliser ça lui-même en tant qu'autodidacte pour pratiquer ce que bon lui semble dans ce qu'il lit et qu'il émette de la vie juridique aux gens à partir de cela? Et la réponse de l'imam Ahmed à ce sujet-là, c'est qu'il a interdit de mettre en pratique cela jusqu'à ce qu'il ait questionné les gens de science à ce sujet. Jusqu'à ce qu'il ait questionné les gens de science à ce sujet. Donc voilà, ça c'est la chose en introduction qui était que je souhaitais qu'on partage afin que l'on ne tombe pas dans un certain laxisme qui est de nous priver des gens de science en étant trompés, en revenant à de simples frères comme nous. La science, on ne doit pas se tromper. La science, elle se prend des savants, et alhamdoulilah, des savants qui sont sur la aqida de Ahl Sunnah wal Jama'a, il y en a à notre époque, et celui qui peut voyager vers eux pour étudier chez eux, c'est la meilleure chose à faire. Sinon, celui qui peut les contacter via le téléphone ou l'internet, c'est aussi en deuxième position une autre alternative. Et sinon, si la personne ne peut faire ni cette première solution ni la deuxième, essayez d'écouter les cours et conférences qu'ils font et qui sont enregistrées en cédant donc en les écoutant en cédant de cela. Et vraiment mettre un point très important à toujours revenir aux gens de science dans les questions qui touchent à notre religion, que ce soit des questions d'ordre dogmatique ou bien des questions d'ordre juridique. Et si on n'a pas la possibilité de poser une question aux gens de science, essayer de trouver quelqu'un qui peut poser les questions pour nous, que ce soit une personne par exemple que vous connaissez, qui va voyager vers eux ou autre. Mais essayez toujours d'avoir un contact de près ou de loin avec les savants pour ne pas nous égarer. Car comme vous l'avez vu dans ces dernières années, en lisant certains. Se sont éloignés de la vérité pour tomber soit dans l'extrême, soit dans l'opposé de l'extrême, le laxisme, ce qui fait que certaines personnes ont dévié le mu'taqad, le dogme de l'Khawarij, tandis que d'autres ont dévié vers le mu'taqad de l'Murji'ah. Donc, pour essayer de toujours rester sur la loi du juste milieu, après l'aide d'Allah Azza wa Jal, essayez de toujours rester en contact avec les savants, que ce soit de manière directe ou de manière indirecte, pour ne pas s'égarer. Et pourquoi? Car on a vu que ce qui est appelé les personnes de science, ce sont des personnes dont la science remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou au salaf par le biais de l'isnad, la chaîne de transmission. Donc voilà en ce qui concerne cette petite introduction. Et nous donc, on va commencer un petit programme pour essayer d'apprendre le strict minimum que chaque musulman et chaque musulmane se doit de connaître, en rapportant bismillah que les paroles des savants, en le rapportant en ne transmettant que les paroles des savants, et la sunna des savants, ou bien l'aada des savants, la tradition chez les savants, ce qu'on appelle les ulama al-hadith, al-awwalin, et même al-mu'assirin, les savants du hadith ancien et même les savants du hadith contemporain, le premier enseignement par lequel ils commencent, ils ouvrent les assises de science, la première fois que l'étudiant vient apprendre chez eux, la première chose qu'ils lui transmettent, c'est ce qu'on appelle al-hadith al-musalsal bil-awwaliyya, ou al-hadith al-musalsal bil-rahma, al-hadith al-rahma, al-hadith al-musalsal bil-awwaliyya, qui est connu aussi sous le nom de hadith al-rahma. Donc ce hadith, qui est le premier hadith de chaque élève apprend de son professeur, qui lui-même est le premier hadith qu'il a appris de son professeur, qui lui-même est le premier hadith qu'il a appris de son professeur, etc., etc., dans toute la chaîne de transmission. C'est le hadith qui est rapporté à Abdullah ibn Amr ibn al-As, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمين يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. Donc ce hadith, il est rapporté par le compagnon Abdullah ibn Amr ibn al-As رضي الله عنه, qui a dit, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, الراحمين, les miséricordieux, le tout miséricordieux leur fera miséricorde. Irhamu man fi ard, faites miséricorde à ceux qui se trouvent sur terre, irhamukum man fi sama, celui qui est au-dessus des cieux vous fera miséricorde. Et donc ce hadith là, chaque enseignant le transmet à son élève, et ainsi de suite, en étant le premier hadith qui est transmis. Pourquoi? Pourquoi ce hadith-là? C'est parce que, par le ilm, il est mabni à la rahma. La recherche de la science, la transmission de la science, elle est bâtie sur la miséricorde. La miséricorde entre l'enseignant et son élève, et la miséricorde entre l'élève et son enseignant. D'ailleurs, si vous avez déjà lu, par exemple, les livres tels que Usul al-Thalatha, ou bien Kashf al-Shubuhat, ou autres parmi les écrits de Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il commence en disant souvent, par exemple, I'alam rahimakallah, I'alam rahimakallah, rahimanillah, wa iyyak, etc., etc. Parce que c'est sur ça qu'est bâtie la relation entre l'élève et son professeur, ou bien même entre les élèves entre eux, les personnes qui apprennent la science ensemble, la relation qui doit les unir, c'est la relation de miséricorde, les uns envers les autres. Et ce hadith-là, Al-Abdullah ibn al-As, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرحمون يرحمون الرحمن يرحمون من في الأرض يرحمون من في السماء. Ce hadith-là, j'ai entendu de plusieurs chouans, et je le rapporte jusqu'au prophète صلى الله عليه وسلم. Et donc tous les frères et sœurs qui sont présents dans la rue, أجزتكم بهذا الحديث, أجزتكم بهذا الحديث. Donc je vous transmets à mon tour ce hadith avec ma chaîne de transmission, avec mes chaînes de transmission, remontant jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin que vous aussi vous puissiez par la suite le retransmettre, inshallah. Et bismillah, je mettrai cela par écrit et pour le télécharger sur le forum de Ibn Allah. c'est quelque chose pour laquelle vous devez être fier et content, inch'Allah. Si ce n'était pas déjà le cas, si ce n'était pas déjà le cas pour vous, à partir du moment où vous avez entendu ce hadith de ma bouche, maintenant vous pouvez le rapporter jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que vous avez un sanad, une chaîne de transmission qui vous lie jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si vous ne vous rendez pas compte de l'importance que cela, si vous ne vous rendez pas compte de l'importance que cela a, après avoir écouté les paroles des salafs à ce sujet, je vous dirai les choses encore plus simplement en vous disant que, subhanallah, à partir du moment que vous avez entendu ce hadith qui remonte jusqu'au prophète et que vous-même maintenant vous faites partie de cette chaîne de transmission, vous faites partie aujourd'hui des personnes qui portent la science, une science, qui porte une science, donc qui est ce hadith, ce hadith-là, vous le transmettez de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, quand vous allez le réciter à quelqu'un, quand vous allez le transmettre à quelqu'un, vous lui transmettez un héritage direct du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme vous savez, les prophètes ne laissent aucun héritage pécunier, si ce n'est l'ilm. Le seul héritage que les prophètes alayhi salam ajma'in laissent, c'est la science. Et donc, là, ce soir, vous avez pris un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et vous en possédez la chaîne de transmission qui remonte jusqu'à lui et vous faites partie des personnes qui sont garantes de ce hadith. Vous faites partie des personnes qui sont garantes de ce hadith et j'espère bien là que vous saurez en être digne, qu'Allah Azza wa Jal fasse que nous soyons tous dignes de porter les hadiths qui viennent du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui nous sont transmis de génération en génération. Et donc, ce hadith-là, pourquoi il commençait aussi par ça? C'est parce que la chose la plus importante dans la recherche de la science auprès des gens de science, c'est l'adab, le bon comportement, apprendre le bon comportement. Beaucoup parmi les plus prédécesseurs, quand ils parlaient de leur cheikh, ils disaient: nous avons appris plus de lui dans son bon comportement que dans sa science. Et même par exemple, la mère de l'imam Malik, rahimahullah, lorsqu'elle l'a envoyé chez Rabi'a, rahimahullah, pour qu'il étudie chez lui, elle lui avait dit de prendre de lui son bon comportement. Elle l'a envoyé chez lui pour qu'il prenne, avant de prendre sa science, avant qu'il prenne de lui la science, il prenne de lui le bon comportement. C'est pour ça aussi qu'après, après enseigner ce hadith-là à leurs élèves, en général, les savants commencent leur enseignement par apprendre l'adab à leurs élèves. Et les ouvrages, en général, les ouvrages qui sont enseignés dans ce domaine-là, il y en a plusieurs, mais ceux en général qui sont enseignés, qui reviennent le plus souvent, c'est un des deux-là ou bien les deux. Pour ma part, alhamdoulilah, j'ai pu les étudier les deux de la bouche d'un cheikh qui m'a donné la chaîne de transmission de chacun de ces livres-là, qui m'a autorisé de les rapporter de lui. Le livre de l'imam Ibn Jama'a qui s'appelle تذكرات السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم. Donc c'est le rappel concernant celui qui écoute et celui qui parle concernant le comportement de l'enseignant et de celui qui apprend. Et notre livre, c'est un livre de Khatib al-Baghdadi qui s'appelle Al-Jami' يخلق الراوي وآداب السامع. Donc le livre complet, ou bien le compilé, le condensé, concernant le comportement de celui qui rapporte le hadith et le comportement de celui qui écoute le hadith. Donc en fait, ces deux imams-là, ils ont écrit ces livres pour que les élèves en tirent profit dans les assises de séance avec les savants pour savoir comment se comporter pour écouter le hadith de son cheikh et comment étaient les salafs dans les assises avec leurs professeurs et comment étaient les professeurs vis-à-vis de leurs élèves, etc. Et j'espère bismillah qu'on pourra en lire quelques passages à d'autres occasions puisque c'est vraiment quelque chose de laquelle on se doit d'essayer de tirer un maximum de profit, le bon comportement. Puisque, comme disait un de nos chevaux, si la personne a un bon comportement, le cœur des gens, il s'inclinera vers lui. Le cœur des gens, il s'inclinera vers lui. Ce chef-là m'avait donné un exemple en me disant que même que dans la mosquée où il enseigne, quand quelqu'un d'autre que lui, par exemple, dit quelque chose, les gens de la masse de cette mosquée-là, quand ils entendent quelque chose dans les sujets de la religion qu'ils ne connaissent pas, ils ne les acceptent pas jusqu'à ce qu'ils n'ont pas vérifié chez lui parce qu'il est rentré dans leur cœur, parce qu'ils l'aiment bien. Et donc, à partir du moment où la personne, par son bon comportement, se fait accepter des autres, alors la prêche, la da'wa devient plus simple pour cette même personne. Puisque si les gens t'aiment, ils seront plus aptes à t'écouter lorsque tu leur diras « Qalallah, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ». Tandis que s'ils te détestent, ça fera une barrière entre toi et eux. Et donc, concernant l'étude de la science, pourquoi on étudie la science? Tout simplement parce que c'est quelque chose qui nous incombe. Et pourquoi c'est quelque chose qui nous incombe? C'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit l'étude, la recherche du savoir est une obligation sur tout musulman, c'est-à-dire sur tout musulman et toute musulmane. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit cela, ça ne veut pas dire qu'on se doit tous de devenir des savants. Ce qu'il faut comprendre de ce hadith, c'est qu'il y a un savoir qui est obligatoire à nous tous, ce qu'on appelle l'ilm, ce qu'on peut appeler le talab al-ilm, qui est fard-ilm sur tout le monde. C'est ce qui est obligatoire à tout le monde, à distinguer de la recherche du savoir qui, lui, n'est obligatoire qu'à une partie de la population. Et si cette partie de la population s'en charge, alors tous les autres membres de la communauté sont déchargés de l'apprendre. Donc ça ne veut pas dire qu'on doit tous, ce hadith-là, ça ne veut pas dire qu'on doit tous devenir des savants, mais plutôt, ce hadith-là, il faut comprendre que dans notre religion, il y a des choses qui nous sont obligatoires à apprendre, et c'est sur ces choses-là qu'on doit se concentrer et qu'on doit acquérir en priorité avant d'aller chercher dans ce qui est du domaine de fard kifaya. On doit se concentrer sur ce qui est fard ayn. Concernant la science qui est fard ayn, on pourrait donc la résumer en les points suivants. Donc, parmi la première chose qui incombe à tout musulman et musulman de savoir, c'est connaître les cinq piliers de l'islam. Et donc, on pourrait subdiviser cela en les points suivants. Connaître la signification des shahadatayn, connaître la signification des deux attestations de foi. Connaître les six piliers de la foi. Connaître les différentes catégories du tawhid, c'est-à-dire tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya et tawhid al-asma' wa sifat. Et condition du tawhid. Condition du tawhid. De même, connaître ce qui annule le tawhid, connaître ce qui annule le tawhid, et savoir que le cours de tawhid, c'est une condition de validité de l'islam de la personne. C'est une condition de validité de l'islam de la personne. De même, il faut connaître les adorations du cœur obligatoires. Connaître les adorations du cœur obligatoires. Donc ça, c'est tout ça, on pourrait le classer sous le, en ce qui concerne donc les cinq piliers, le classer dans le premier pilier. Donc les deux attestations de la connaissance des deux attestations de foi. Ensuite, apprendre les règles de tahara, connaître les règles, apprendre les règles de tahara, les règles de la purification, que ce soit les règles relatives aux ablutions, les règles relatives à l'étayyum, les ablutions sèches, ou bien les règles relatives à l'mas, c'est-à-dire l'essuyage sur l'khoufim, sur les chaussettes en cuir, ou sur les pansements, par exemple. Pour la femme, connaître les règles relatives aux menstrues, les règles relatives aux louchis, ou aussi les règles relatives à la métrorragie. Et donc quand on parle de connaître ces règles-là, ça ne veut pas dire les connaître d'une manière poussée qui permet de donner des fatwas aux gens en ce qui concerne cela, mais plutôt connaître ces sujets-là d'une manière qui nous permet de pouvoir rendre valide notre état de purification. Ensuite, apprendre les règles relatives à la salate, les règles relatives à la prière, toujours dans le même ordre d'idée, c'est-à-dire pas pour donner des fatwas aux gens, mais pour que notre salat elle soit sahiha, c'est-à-dire connaître les règles relatives à la prière, afin que notre prière soit correcte, que notre prière soit valide, qu'elle soit authentique. Ensuite, parmi les choses qui sont obligatoires à chacun de nous, connaître les règles de Siyam, les règles du jeûne, connaître les règles du jeûne de façon à ce que notre jeûne soit correct, qu'il soit valide. De même, connaître les règles relatives à l'indianaïsme, les règles relatives à l'indianaïsme, les règles relatives à l'indianaïsme, c'est-à-dire les règles funéraires, les règles funéraires au cas où la personne elle doit être amenée à par exemple à laver quelqu'un de mort parmi ses proches, ne serait-ce que la femme pour son époux, ou bien l'époux pour son épouse, ou bien pour un enfant, etc., etc., pour que la personne ne soit pas prise de court le jour où elle doit devoir pratiquer ce qui est en relation avec les actes funéraires. Sinon, toujours dans ce qui est obligatoire à chacun de nous d'apprendre, apprendre surat al-Fatiha, apprendre surat al-Fatiha, parce que c'est un pilier, c'est un rukn min arkan al-salah. Et en ce qui concerne donc le Coran, s'il y a quelque chose d'autre qui est obligatoire à apprendre avec le Fatiha ou non, c'est pas un sujet qu'on va détailler ce soir. Et la personne, ce qu'elle doit savoir, c'est que le Fatiha lui est obligatoire d'apprendre surat al-Fatiha. Et s'il peut apprendre quelques autres surat par la personne qui a des difficultés à apprendre, ne serait-ce que les petites surat, en particulier celles qui sont méritoires et qui servent pour se protéger et qui ont des mérites particuliers, les apprendre pour pouvoir réciter au cours de ces différentes prières quotidiennes et aussi pour les réciter en tant qu'invocation avant de dormir, etc. Ensuite, parmi les autres choses qui sont obligatoires d'apprendre, c'est les conditions. conditions d'obligation, les conditions qui rendent obligatoire pour la personne la zakat, le hajj et le jihad. Connaître les conditions qui rendent obligatoire pour la personne la zakat, le hajj et le jihad. Ainsi, si la personne, en apprenant les conditions d'obligation de tout cela, le jour où la personne elle devient concernée par l'obligation de cela, alors elle devra apprendre les règles qui lui incombent en ce qui concerne ce domaine-là. De même, connaître les choses qui sont obligatoires, connaître les choses qui sont obligatoires et le comportement légal relatif à diverses, à des situations bien spécifiques. Connaître les choses obligatoires et les comportements à avoir dans certaines, donc, dans certaines situations. Comme par exemple, savoir qu'il est obligatoire de répondre au salam de ton frère ou de ta soeur. Savoir, par exemple, que le comportement légal de la personne qui se trouve en compagnie de quelqu'un qui est éternu, c'est que quand il dit Alhamdulillah, il dit Alhamdulillah, etc. Donc c'est ça le sens de ce point-là. De même, parmi les choses obligatoires à connaître, c'est les interdits, connaître les interdits en termes de paroles, d'actes, de nourriture, de boissons, de vêtements, ainsi que les métiers qui sont interdits et les moyens qui sont illicites pour gagner sa vie. Donc, connaître les interdits, c'est-à-dire les paroles qui sont interdites, les actes qui sont interdits, les nourritures qui sont interdites, les boissons qui sont interdites, les vêtements qui sont interdits, de même que les métiers et les moyens illicites qui sont utilisés pour gagner sa vie. Et enfin, le dernier point parmi les choses qui incombent à chacun de nous de connaître, c'est savoir que le repentir, c'est quelque chose qui est obligatoire. Se repentir de tout péché apparent ou caché, c'est une obligation pour nous tous, et donc apprendre les conditions de validité du repentir. Donc ça, c'est ces différents points qui ont été cités de manière globale, c'est cela qui est visé par l'obligation qui incombe à chacun et chacune de nous vis-à-vis de la science religieuse. Et donc pour pouvoir parvenir à cela, comment faire? Donc puisque c'est quelque chose qui incombe à tout le monde, que la personne soit un étudiant en sciences religieuses ou qu'il soit un travailleur, c'est-à-dire qu'il soit un ouvrier, qu'il soit un médecin, qu'il soit un chômeur, toute classe de la population, quelle qu'elle soit, elle se doit de connaître ces choses-là et de les apprendre. Et donc, si on peut résumer tous ces points-là dans certains ouvrages qui seraient, qu'on pourrait dire, être les ouvrages que chacun, chacune de nous se doit d'essayer de posséder dans sa bibliothèque, dans sa maktaba, ce sont les livres dans lesquels on va retrouver tous ces points-là, on pourrait résumer à une liste qui pourrait être la suivante. Donc, en ce qui concerne la connaissance des six piliers de la foi, en ce qui concerne la connaissance des six piliers de la foi, ce serait le trouver dans deux livres, et la liste de livres en ce qui concerne cette liste de livres non exhaustive que je donne, j'ai choisi ces titres exprès dans la mesure où ils existent aussi bien en arabe qu'en français. Ils existent aussi bien en arabe qu'en français pour que ce soit accessible à tout le monde. Donc en ce qui concerne les six piliers de la foi, vous pourrez les retrouver expliqués et détaillés de manière selon nous tous nous avons besoin dans les livres suivants Al-Aqid et Al-Wasatiyya de l'imam Ibn Taymiyyah et vous pouvez le retrouver aussi dans le livre qui s'intitule Lum'at al-I'tiqad de l'imam Al-Maqdisi de l'imam Al-Qudama Al-Maqdisi donc ces deux livres là vous pourrez retrouver dedans ce qui est relatif aux six piliers de la foi. Ensuite, en ce qui concerne tout ce qui touche la signification de Shahadatayn, les différentes catégories du Tawhid, les conditions du Tawhid, ce qui annule le Tawhid, Al-Kufr al-Tawhid, donc tout ce qui touche ces thèmes-là, vous allez retrouver cela dans les livres suivants de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, qui s'intitule كتاب التوحيد الأصول الثلاثة كشف الشبهات نواقض الإسلام كتاب التوحيد الأصول الثلاثة كشف الشبهات نواقض الإسلام ensuite en ce qui concerne les règles de la purification de la salat de siyam de janaïd les conditions de zakat, de l'hajj, de l'jihad ainsi que leurs règles, tout ceci vous pourrez le retrouver dans le livre qui s'intitule Al-Risala de Ibn Abi Zayd Al-Qirwani. Ibn Abi Zayd Al-Qirwani, donc qui est un livre de fiqh malikite. Et donc, de manière générale, en langue française, les livres de fiqh qui existent en langue française, de manière générale, à ma connaissance, ce sont des livres dans le fiqh maliki. Et donc, si vous remarquez aussi, les titres des livres que je donne, ce sont des livres de savants anciens, car la base, c'est que la science se tire ou se prend à partir des livres. Des savants anciens qui sont des livres qui étaient transmis de génération en génération par les savants. Donc c'est pour ça que je ne cite pas des livres de contemporains qui concernent le fait. Et en français, parmi les livres de savants anciens, parmi les imams de l'islam, au niveau de ce qui comporte et explique donc les thèmes là, Al-Risala de l'imam Ibn Abi Zayd al-Qirwani. Et enfin, en ce qui concerne les adorations du cœur obligatoire, ou bien en ce qui concerne les choses obligatoires, le comportement, les interdits, le repentir, tout ça, on le trouve dans un livre qui en général se trouve dans chaque foyer, parmi les foyers des musulmans. C'est le livre de l'imam Nawawi qui s'appelle Riyad al-Salihin. Riyad al-Salihin, vous allez retrouver tout ce qui est en relation avec les adorations du cœur obligatoire dans à peu près le premier cinquième du livre. Vous allez trouver ça à peu près dans le premier cinquième du livre. Et ce qui concerne la taouba et ses conditions, vous allez le trouver dans le début. Et enfin, le reste, vous allez le trouver dans à peu près le reste du livre. Dans le reste du livre. Donc, voilà pour la liste non exhaustive des livres qui permettent donc de pouvoir accéder à cette science qui nous incombe à tous et à toutes. Et enfin, il y a aussi un autre point qui mérite Inch'Allah, qu'on s'y attarde sous forme de cours à part entière, c'est l'obligation d'apprendre la langue arabe. L'obligation d'apprendre la langue arabe. Car, comme vous le savez, le Coran et la Sunna sont en langue arabe, et pour pouvoir comprendre, il n'y a pas d'autre clé que le fait de les lire en arabe et d'avoir accès en langue arabe. Et Inch'Allah, en ce qui concerne l'obligation d'apprendre l'arabe, on consacrera un cours à part entière au moment venu. Mais juste, je voudrais souligner que la langue, les traductions en français, et que ce soit en livre ou bien en cours, il faut qu'on considère ça comme du dépannage en attendant d'avoir accès à l'arabe pour prendre la science chez les savants. Donc voilà, bienvenue, on va pas tarder plus car il est tard, donc je m'excuse pour le retard pour avoir duré aussi longtemps. Bienvenue, cette fois, Inch'Allah, on commencera à l'heure initiale et on essaiera de jamais dépasser la trentaine ou quarantaine de minutes pour que ça soit bénéfique à tous et que ça ne soit pas lourd. Donc, Inch'Allah, s'il y a des choses qui n'ont pas été comprises dans ce que j'ai dit, des choses sur lesquelles il faut revenir, donc les frères, vous pouvez envoyer vos questions et remarques aux frères qui ont l'admin. Et pour les sœurs, envoyez vos questions et remarques aux sœurs qui ont l'admin. Maintenant, vous pouvez leur envoyer, Inch'Allah, vos questions concernant ce qu'on a pu dire qui aurait pu ne pas être clair. Et Inch'Allah, si on peut répondre, on répondra. Je rappelle, c'est vraiment, s'il y a des choses qui n'ont pas été claires, qu'il faut expliquer, sur lesquelles il faut revenir. C'est pas, quand on dit des questions, ça ne veut pas dire demander des faits à lui, parce que nous, on n'est pas limité pour cela. Mais à la Kulihal, s'il y a des questions d'ordre religieux, et que la personne ne veut pas le poser au savant, Inch'Allah, vous lui posez, on demandera, Inch'Allah, on questionnera des personnes qui sont habilitées à répondre. Voilà, barakallahu fikum, subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Donc, barakallahu fikum pour votre écoute et pour votre sérieux. Inch'Allah, s'il y a des questions, donc contactez les frères et sœurs qui sont consacrés pour cela, qui sont consacrés à cela, récolter les questions des frères et des sœurs. Donc on va laisser quelques minutes pour savoir s'il y a des questions. Mais le mieux, c'est s'il y a des frères et sœurs qui ont des questions, vous levez la main, comme ça je sais qu'il y a qu'il faut attendre des questions. Donc les frères et sœurs, donc, qui ont levé la main, donc contactez les frères et sœurs qui sont là pour ça, Inch'Allah. Donc concernant le prochain cours, donc comme on avait dit vendredi, le dimanche prochain, Inch'Allah, c'est le Eid. Dimanche prochain, Inch'Allah, c'est l'Aïd. Donc, on ne fera pas cours. Vous serez informé, Inch'Allah, de la date du prochain cours. Est-ce qu'on déplacera? Est-ce qu'on déplacera dans la semaine? Est-ce qu'on déplacera dans la semaine? Ou alors, est-ce qu'on déplacera jusqu'à la semaine d'après? Donc, Inch'Allah, je raccroche le micro en attendant qu'on m'envoie. Comment voir les questions. Vous m'entendez? Donc, je vois si j'ai rien loupé. Une seule demande, c'est d'interroger les gens de science pour tous les sujets. Donc en fait, quand on parle d'interroger les gens de science, etc., c'est en ce qui concerne la fatwa. La personne qui a besoin d'une fatwa, il faut la rechercher chez les gens de science qui sont habilités à délivrer des avis juridiques. Et si par exemple, la personne va apprendre à faire la prière, si quelqu'un va apprendre à faire la prière, il ne va pas, bien sûr, aller téléphoner à un chef pour lui dire, voilà, j'aimerais par exemple l'enseignement des ablutions, ou bien l'enseignement de la prière, l'enseignement des choses de base que nous tous nous devons transmettre, et entre le fait, par exemple, dans les sujets de divorce, dans les sujets de garde d'enfants, dans les sujets de litiges financiers entre frères, entre frères ou bien entre sœurs, ou bien dans ces genres de sujets-là, il faut revenir aux personnes qui sont habilitées pour répondre. Donc est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est compris? Vous avez du son, vous m'entendez? Salam alaikum. Salam alaikum, vous m'entendez? Donc, Inch'Allah, si on peut me redonner les. J'ai un petit peu perdu le fil, comme il y a beaucoup de monde qui écrivait. Donc, une sœur demande si vous pouvez redonner les titres de les conseiller dans le domaine de la science obligatoire. Donc, ce qu'on avait dit en ce qui concerne les six piliers de la foi, on avait cité Al-Aqid al-Wasatiyya, de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, et l'Umma'at al-I'tiqad de l'Imam al-Maqdisi. Et ensuite, concernant tout ce qui touche au tawhid, ses conditions, ses annulatifs, etc., la signification des attestations de foi, le coffre de Tawhid, on avait cité Kitab de tout, on a cité quatre livres de Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab qui sont Kitab de Tawhid, Al-Usul al-Thalatha, Kashf al-Shubuhat et Nawaqid al-Islam. Ensuite, concernant tout ce qui touche au fiqh, concernant tout ce qui touche au fiqh, on avait dit Al-Risala de l'imam Ibn Abi Zayd Al-Qirawani. Al-Risala de l'imam Ibn Abi Zayd Al-Qirawani. Et ensuite, pour tout ce qui est donc le repentir ses conditions et les obligations, les interdictions, le comportement, les actes obligatoires du cœur, Riyad Salihin de l'imam An-Nawawi. Ensuite, salam alaykoum, qu'en est-il de Cheikh Albani du fait qu'on ne prend pas la science auprès des autodidactes, pourrait-on également avoir un lien pour télécharger le poème? Donc, qu'en est-il de Cheikh Albani? C'est pas une personne comme moi qui répond sur des personnes qui ont laissé un héritage scientifique tel que le sien et qui était dans la science avant même que je sois né et pendant que je portais encore des couches. Donc pour avoir une réponse concernant quelqu'un de Cheikh Al-Albani, la personne qui auprès de qui il faut poser cette question, ce serait quelqu'un qui est qui s'appelle Al-Aqran. C'est les personnes du même degré, c'est les personnes qui parmi les chouurs qui sont venus comme nous. Après, si moi, si vous voulez, concernant Cheikh Al-Albani, parmi les mashayikhs qui ont répondu à son sujet, la personne qui pose la question, je peux l'orienter vers la série de 4 cassettes de notre Cheikh Abdullah, notre Cheikh Al-Allama Al-Muhaddis. Cheikh Abdullah Saad, Shafarullah, qu'Allah le guérisse, car il a été très malade ces derniers mois. Donc, il a une cassette, une série de 4 cassettes où il se prononce concernant Cheikh Al-Albani, donc revenir à cette cassette. Ensuite, concernant le poème, Inch'Allah, il sera posté sur le forum écrit en arabe et en français, avec une. Parce qu'en fait, je vais l'écrire tel, parce que dans les versions qu'on peut trouver sur Internet, parfois il y a certaines petites fautes, il y a certaines petites erreurs. Donc, Inch'Allah, je posterai celle pour qu'on ait tous la même version. Salam alaikum, qui consultait comme savant en tant que francophone, n'ai-je pas le droit de lire le Coran sans la présence d'un connaisseur? Quel est l'ordre d'apprentissage des connaissances pour un nouveau reconverti? À quel contrée pense-t-il quand il dit de voyager vers les gens de savoir? Donc, la personne francophone, s'il a besoin d'avoir des avis juridiques de savants, s'il a besoin de fatwa de savants, si le mieux c'est de demander les numéros de téléphone des savants qui sont joignables, que la personne les note et les conserve, et quand elle a besoin d'avoir une fatwa, donc que ce soit dans sa mosquée ou bien dans les gens de son entourage, s'il y a quelqu'un qui est arabophone, et qui est arabophone et francophone, donc lui poser la question à lui pour qu'il l'appelle, qu'il téléphone à un de ses numéros pour poser donc la question au chef pour avoir une fatwa. Ensuite, en ce qui concerne la lecture du Coran, faut pas mal comprendre ce qu'on a lu tout à l'heure comme texte. On parle en fait que le Coran, que l'enseignement du Coran, ou bien l'apprentissage du Coran tel qu'il doit être, ça se prend de quelqu'un qui a pris le Coran de la part d'un cheikh qui a le yaza dans le Coran. Bien sûr, si c'est quelque chose qui ne se trouve pas là où vit la personne, et qu'elle a besoin de quelqu'un pour apprendre le Coran, elle va s'aider avec celui qui peut lui enseigner, même s'il n'a pas pris de la bouche d'un cheikh. Il ne faut pas prendre les textes qu'on a lu tout à l'heure pour s'interdire la science. Les textes tout à l'heure qu'on a évoqués, c'est juste pour mettre en lumière la méthodologie et pour éviter certaines... qu'on prenne tous conscience qu'il faut éviter certaines dérives en ce qui concerne la recherche de la science, pour ne pas élever à ce niveau-là les personnes qui ne méritent pas d'être élevées à ce niveau-là, et qu'on ne remplace pas les savants par des personnes qui ne sont pas des savants. Le Coran, tu le lire, c'est quelque chose c'est quelque chose que chaque musulman et musulman s'il va s'efforcer de faire chaque jour, ne serait-ce qu'en lisant ne serait-ce qu'un verset, qu'un verset, c'est vraiment quelque chose que l'on doit lire au quotidien, le Coran. Et en ce qui concerne l'apprentissage du Coran, après un professeur qui n'est pas habilité à l'enseigner, on ne va pas dire à quelqu'un n'apprend pas le Coran car la personne qui te l'enseigne n'est pas habilité, mais plutôt apprend le Coran selon les moyens desquels tu disposes. Il ne faut pas non plus fermer la porte à l'apprentissage en utilisant ces textes-là comme peuvent le faire certains aujourd'hui à notre époque. Et l'ordre d'apprentissage des connaissances, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, l'ordre d'apprentissage des connaissances. Mais Inch'Allah, si tu veux, tu réécouteras Inch'Allah l'audio, tu reverras dans la retranscription les différents points qu'on a cités. C'est un ordre proposé pour apprendre les différentes choses qui nous attendent à tous. Et ensuite, pour voyager, il y a de nombreuses contrées où voyager pour rechercher le savoir. Et la personne qui n'est pas arabophone, parmi les meilleurs endroits où aujourd'hui un francophone peut aller apprendre l'arabe de manière facilitée, c'est-à-dire en allant dans un centre qui est accessible, dans des centres accessibles à tout le monde pour apprendre la langue arabe, et qui sont des pays qui ne sont pas très très difficiles d'accès. Il y a l'Égypte. L'Égypte, il y a de nombreux Marocains pour apprendre la langue arabe, aller apprendre déjà la langue arabe là-bas, et ensuite, à partir du moment où la personne est arabophone, elle pourra essayer de voyager vers les savants de son choix. Est-ce qu'il faut être présent avec le cheikh dont on apprend? Et par exemple, si je fais écouter l'enregistrement du cours à quelqu'un, peut considérer avoir le détail que cette parole. Donc si j'ai bien compris, c'est la question, ça vise la chaîne de transmission du hadith qu'on a cité tout à l'heure et pour lequel tous les frères et sœurs présents qui l'ont entendu ont reçu l'ijaza de ce hadith. C'est toute personne qui était là en direct au moment où le hadith a été récité. Donc l'écouter par enregistrement, ce n'est pas valide. D'après ce que disent les spécialistes de la science, des chaînes de transmission, les savants spécialistes de la science des IOM. La personne doit être là en direct. Un enregistrement audio, etc., c'est pas valide. Et je voulais savoir concernant de prendre la science des savants, mais comment reconnaître les vrais savants? Est-ce qu'on peut demander à ces savants contemporains, ces savants du sultan, les vrais savants? Donc dans ce que tu veux signifier par les vrais savants aujourd'hui, alhamdoulilah, il y en a, ils sont accessibles, que ce soit par au niveau téléphonique pour les contacter. Il suffit d'essayer d'avoir surtout un point que je vais évoquer pour les fatwas, pour les avis juridiques, etc. Les savants qui sont habilités à faire cela sans être des savants du sultan, il y a de nombreux savants qui ne sont pas des savants du sultan, même s'ils ne sont pas forcément d'accord sur tous les points avec nous, mais sans être des personnes qui qualifient les Moudjahidine de Khawarij, qui qualifient tout le monde de Moudjahidine, et qui, dans leurs livres comme dans leurs enseignements, enseigne les masaïl et les al-kufr de la manière de la sunna wal jama'a, sans parler des cas particuliers et contemporains. Ces personnes-là, bien-là, vous pouvez les consulter et poser leurs questions. Après, bien sûr, le mieux est de pouvoir contacter des savants comme les savants de l'Ajna, de Mimbar Tawhid wal Jihad, qui sont contactables, qui est possible de contacter via le site, justement, le site Mimbar Tawhid wal Jihad. Vous pouvez leur écrire vos questions. Il me semble même que c'est possible d'écrire dans une langue autre que l'arabe. Si je ne me trompe pas, c'est possible de vous les écrire en anglais. Petit, quel est le titre de la série de cassettes de Cheikh Abdullah? En tête, j'ai pas le titre. j'ai pas de titre concernant cette série de cas. Si un frère ou une sœur qui connaît peut lever la main et pour qu'on enlève le rouge pour donner le titre, sinon chercher en arabe. Chercher en arabe sur internet en marquant Jawab Sheikh Saad à la Sheikh Al-Albani, quelque chose comme ça. C'est une cassette qui est très connue en arabe, qui se trouve dans les divers programmes arabes. Donc Inch'Allah, c'est même en cherchant dans le forum, normalement en cherchant dans le forum sur Al-Haq. Il me semble qu'elle a déjà été postée, le lien a déjà été posté par le passé, et puis il suffirait de faire une recherche pour le retrouver. Peux-tu nous confirmer que l'apprentissage du Coran est la première étape du tawadul ilm avant de se lancer dans le ministère? La première étape dans le tawadul ilm, c'est l'aqida qabla le Coran. Parce que le manhaj dans l'apprentissage, notre modèle, c'est le Sahaba radiallahu anhum. Notre modèle, c'est le Sahaba radiallahu anhum. Et qu'est-ce qu'ils nous ont dit, le Sahaba radiallahu anhum, comme c'est rapporté authentiquement, ils ont dit ta'allamna al-iman qabla al-Qur'an. Ta'allamna al-iman qabla al-Qur'an. On a appris la foi, et donc, comme on avait expliqué tout à l'heure, l'iman, c'est la terminologie de l'iman, la foi chez les plus prédécesseurs, c'est ce qu'on appelle nous aujourd'hui l'aqida. L'aqida al-tawhid, les sahaba radiallahu anhum, ils ont appris la foi, le tawhid, l'aqida avant le Coran. Liyazdadu bihi imana, afin qu'ensuite, lorsqu'ils entendent le Coran, même certains ont dit, alors après que cette parole de sahaba fut rapportée, sahaba radiallahu anhum qui disait, nous avons appris le dogme avant d'apprendre le Coran, et ainsi cela nous faisait lorsqu'on apprenait le Coran, ça nous faisait augmenter notre foi. Ensuite, ceux qui sont venus après eux en commentaire à cela disaient, nous on a appris le Coran, on apprenait le Coran avant le dogme, avant la foi, et c'est ce qui fait qu'on n'était pas comme les compagnons. Donc, et ça, c'est vraiment quelque chose de très important avant de la recherche de la science, de se consacrer à l'aqida, à tawhid, à vos sources, vraiment l'enracinement dans l'aqida, dans le tawhid, ne serait-ce qu'en lisant, juste en lisant les livres écrits par les salafs, donc les titres à Saïd écrits par les salafs ou bien les imams qui sont venus avec eux dans le tawhid ou dans l'aqida, juste en ne serait-ce qu'en lisant les livres principaux, que ce soit les livres comme ceux qu'on a cités tout à l'heure, le Walwa Sabayan, Atli Atiqad, Kitab Tawhid, le Usul Salata, Kashf Shubuhat, Mawaqid l'Islam, et en rajoutant à cela d'autres livres de la même taille, comme par exemple Kitab Sharh Sunnah de l'Imam al-Barbahari, et autres parmi les livres écrits par les imams de l'Islam. En lisant plusieurs livres comme ça, la personne va consolider sa croyance et son dogme, et ainsi, une fois que le dogme et la croyance de la personne est solide et qu'elle est stable, alors elle pourra ensuite passer à autre chose. Pourquoi? Parce que les savants qui nous enseignent selon cette méthode-là nous ont expliqué qu'en procédant ainsi, la personne, en ayant une aqida, un dogme correct, alors là, tout ce qui viendra après sera correct. Parce que le dogme, c'est la base. Donc si la base, elle est correcte, tout ce qui viendra après cette base, il sera correct. Par contre, si la base, elle est tordue, tout ce qui viendra après, il sera tordu. Donc voilà, c'est ça la méthodologie dans la recherche du savoir, dans la. Est-ce qu'il faut être présent avec le chiffre dans l'apprend? Ou par exemple, si je fais écouter l'enregistrement du cours à quelqu'un, il peut considérer avoir reçu l'héritage que cette parole. Donc, en ce qui concerne la transmission, les IAZ, quand quelqu'un donc transmet, que ce soit les hadiths ou bien que ce soit des livres, des moutons, que ce soit des moutons dans diverses matières, ce qui est valide chez les savants de cette science, c'est que la personne elle est écoutée en direct, que la personne elle était présente en direct. Ensuite, en ce qui concerne le IJAZA, c'est pas en ce qui concerne IJAZA, c'est ici pour ce hadith là, bien même par exemple à recevoir l'IJAZA dans le Sahih al-Bukhari ou dans le Sahih Muslim ou dans des livres de hadith, c'est pas une nécessité de le connaître par cœur. Pour que l'IJAZA soit valide, pour que la personne l'ait écouté en direct du cheikh qu'elle a assisté en direct avec lui au cours où donc il l'a lu et où il l'a commenté jusqu'à ce qu'il te délivre l'IJAZA. Un frère dit, rapporté par Bukhari et Muslim, est-il suffisant si je cite un hadith sans réciter les sanad qui s'y trouvent pour chaque hadith? Donc oui, en fait, concernant c'est par rapport au texte qu'on a cité tout à l'heure, en ce qui concerne l'importance du sanad, etc. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on va parler avec quelqu'un, on va pas lui dire haddathani jusqu'à arriver au hadith, alors qu'il se trouve dans le Bukhari et le Muslim. Aujourd'hui, quand on cite un hadith, c'est sûr qu'il nous est suffisant qu'on va citer un hadith, par exemple, à quelqu'un dans la mosquée, ou bien à un frère avec nous, etc. On va lui dire, il est rapporté, ce hadith-là, il se trouve dans le Bukhari, il se trouve dans le Sahih Muslim, ou bien il se trouve dans Sunan Abi Dawud, etc. On va lui donner la référence pour qu'il puisse le retrouver de lui-même. Ensuite, donc voilà, donc le frère Abou Abdillah, Jazakallahu khayran, donc il va nous donner le lien concernant le verset de Cheikh Abdullah Saad sur Cheikh Al-Bani. Donc voilà, Inch'Allah, si tout le monde a pu avoir donc si tout le monde a pu être éclairé sur les choses qui n'ont pas été claires par l'intermédiaire des questions que vous avez posées, Inch'Allah, on s'arrêtera là, dans la mesure où quand même il est tard. Assalamu alaikum, que pensez-vous des livres de Cheikh Al-Zan Rahimahullah? Cheikh Abdullah Al-Zan Rahimahullah, c'est pas besoin de me poser la question à moi ou à n'importe qui d'autre parmi les frères pour savoir qu'est-ce qu'il doit penser de ces livres. C'est les livres de Cheikh Abdullah Al-Zan, c'est des livres dans lesquels il y a énormément de bénéfices, qu'Allah Al-Zawajal le récompense pour tout ce qu'il a œuvré pour l'islam. وفقكم بارك الله. إن شاء الله je vais raccrocher le micro dans la mesure où il n'y a plus besoin de continuer à ajouter des paroles. Donc voilà, je fais comme Yamir pour votre série, pour votre écoute. Et Inch'Allah, on vous tiendra au courant pour savoir si on peut faire cours dans cette semaine-là ou si cette semaine-là il n'y aura pas de cours dans la mesure où c'est la semaine où il y a la Eid. Donc c'est possible que des frères et sœurs qui vont voyager vers leur famille ou qui vont se déplacer chez d'autres personnes pour la Eid, pour le préparer, etc. Donc s'il faut ne pas faire courir durant toute la semaine, ce ne sera pas un souci, Inch'Allah, puisque l'Eid quand même, c'est vraiment un moment qui est important pour nous. Et donc, c'est complètement compréhensible qu'on ne puisse pas donc se retrouver pendant cette période-là pour apprendre ensemble. Donc Inch'Allah, c'est pas que dans la semaine qui vient. Le prochain cours sera le dimanche prochain, c'est-à-dire dans 15 jours, le dimanche de l'Aïd, mais le dimanche d'après, Inch'Allah. Donc, Amin pour vos doigts, barakallahu fikoum, et salam alaikum.